Que faut-il faire ? Demanda Glenarvan. Nous avons deux moyens, milord, dit le capitaine, de nous tirer de cette situation. Relever le bâtiment et reprendre la mer, ou gagner la côte sur un radeau qui sera facile à construire. Si par malheur, la coque du brick est défoncée, ou s'il ne peut être renfloué, il faudra se résigner à gagner la côte et à reprendre par terre le chemin d'Auckland. Examen fait de la coque, John reconnut qu'elle avait peu souffert dans l'échouage. Le gouvernail n'était point engagé et fonctionnait librement. On serait à même de s'en servir au premier besoin. Les marées ne sont pas très fortes dans le Pacifique. On verrait seulement comment se comporterait le brick sous l'action du flot et à la marée suivante, on donnerait le coup de collier. À l'ouvrage, commanda John Mangles. Chacun prépara la besogne. John Mangles s'occupa de relever sa position. Ce jour-là, 3 février, la situation du Macquarie se déterminait donc ainsi. Longitude 171 degrés, latitude 38. Le Macquarie avait été rejeté d'un degré dans le sud.